Je suis l'as de trèfle qui pique ton cœur, Caroline. Let the beat goes on. Let the beat goes on. Keep on dance, dance. Keep on. La une, la deux, la trois, la quatre, la une, la deux, la trois, la quatre. Keep on dancing in the Machine. Ça part en couille. This also no back seeking a reason. All the time, all the old reason to fight. All the life. Ooh la la la. Ooh la la. reine et ton fils. Si tu veux pas qu'il glisse. Mets ta baisse Ben Benz. Laisse pas traîner ton fils. Si tu veux pas qu'il glisse. Si tu veux pas qu'il glisse. Yeah.